Il y a 10 ans cette année, le monde découvrait Stuxnet, ce ver informatique vraisemblablement créé par la NSA, la National Security Agency, avec l'appui des services israéliens pour infecter les ordinateurs qui commandent les centrifugeuses d'enrichissement d'uranium en Iran. C'est le premier ver découvert pour espionner et reprogrammer des systèmes industriels et d'une certaine façon la découverte d'une cyberguerre secrète sous-jacente que se mènent les États à l'aide de logiciels malveillants élaborés. 10 ans après, où en est-on de cette cyberguerre? Quelles sont les armes utilisées? Quels en sont les belligérants? Bienvenue dans le Wargames du 21e siècle. Virus informatique, le ver de trop, c'est le programme informatique et piratage qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre aujourd'hui comment se structure donc cette cyberguerre plus ou moins secrète, comme on le verra, quelles en sont les règles et comment ont évolué les armes, nous avons le plaisir de recevoir à ce micro Jean-Yves Marion, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du LORIAL, le laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications, qui est un laboratoire CNRS, également professeur à l'Université de Lorraine et membre de l'Institut universitaire de France. Et Éric Fraissinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du pôle national de lutte contre les cybermenaces de la Gendarmerie nationale, colonel et docteur en informatique. Mais avant de plonger dans ces guerres secrètes qui se jouent peut-être en partie sur votre téléphone ou votre ordinateur en ce moment même, on va sortir de ce ton un peu alarmiste, je vous rassure, dans quelques minutes. On fait le tour de l'actualité scientifique, tout à fait publique en l'occurrence, avec le journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et dans ce journal, une étude parue ce matin dans la revue The Lancet sur un nouveau vaccin contre le paludisme pendant la grossesse. Les principales victimes du paludisme, ce sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Dans des régions où le paludisme est endémique, en Afrique subsaharienne par exemple, la plupart des personnes développent une immunité clinique contre la maladie, ce qui leur permet de lutter contre les effets pathogènes de l'affection. Mais pas chez les femmes enceintes. Pour prévenir jusqu'à 10 000 décès maternels et 200 000 décès infantiles liés au paludisme gestationnel, une équipe française vient de créer un vaccin. Il a fallu 20 ans de recherche pour obtenir ce Primavac. Pour le moment, c'est un vaccin en phase 1 pour évaluer sa sécurité. Mais dans cette étude clinique, les 68 femmes l'ont toutes bien toléré et elles ont toutes généré des anticorps qui correspondaient aux attentes. Benoît Gamin est directeur de recherche CNRS dans une unité INSERM à l'Institut National de Transfusion Sanguine à Paris. Il a dirigé cette étude. Le problème des femmes enceintes, c'est qu'une nouvelle population de parasites qui n'avait pas été vue au préalable par le système immunitaire de l'hôte, de la femme, va émerger grâce à la présence du placenta. Et c'est la présence du placenta qui va sélectionner une population de parasites qui exprime une nouvelle protéine qui, elle, n'a jamais été vue par le système immunitaire. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est protéger les futures femmes enceintes, notamment au cours de leur première grossesse, contre les effets néfastes du paludisme. Notre cible, ce sont les jeunes filles qui n'ont jamais été enceintes. Pourquoi ? Parce que les femmes, au cours de leur grossesse successive, vont de nouveau acquérir une immunité clinique qui vont les protéger contre le paludisme gestationnel. Donc il y a naturellement une immunité clinique qui va se développer chez ces femmes qui ont eu plusieurs enfants. Donc PrimVac va essayer de développer une immunité contre l'antigène qui est exprimé à la surface des hématies parasitées, qui permettent à ces hématies parasitées, donc les globules rouges qui contiennent le parasite à l'intérieur, de se fixer aux cellules du placenta. Et donc c'est cette séquestration du parasite dans le placenta qui va provoquer la pathologie, notamment des risques plus élevés de fausses couches spontanées, des accouchements prématurés, des retards de croissance intra-utérin, et tout ceci va induire une insuffisance pondérale à la naissance, et donc qui dit une insuffisance pondérale à la naissance dit un taux de mortalité infantile supérieur à la normale. Voilà, si vous voulez retrouver les liens vers le dossier INSERM consacré justement à cette étude ainsi que le lien vers l'étude originale telle qu'elle a été publiée dans The Lancet, c'est évidemment sur notre fil Twitter @laméthodefc et sur le site de l'émission sur franceculture.fr. On passe au bref. Une information que vous avez peut-être entendue parce qu'elle est déjà très relayée dans les médias mais qu'il faut prendre avec précaution. La Chine aurait mis au point un traitement efficace contre le coronavirus, Natacha. Il faut donc prendre toutes ces précautions avec ces informations-là. D'une part, il n'y a aucune étude qui accompagne cette annonce et d'autre part, l'OMS a démenti ce midi cette information. Hier, la télévision chinoise a annoncé que des chercheurs chinois seraient parvenus à inhiber le virus grâce à deux molécules dans des essais in vitro. Alors, ce midi, donc, l'OMS a déclaré qu'il n'existe aucune thérapie efficace contre ce coronavirus. De plus, l'organisation collabore en ce moment avec Google pour lutter contre la désinformation sur l'épidémie. Les infos certifiées apparaîtront en tête dans les résultats de recherche. Janvier 2020 est le mois le plus chaud jamais enregistré. Et Copernicus, l'organisme européen sur le changement climatique, vient d'annoncer un nouveau record de chaleur. En janvier, la température moyenne du globe a été plus chaude de 0,77 degrés. C'est bien plus que janvier 2016. Partout en Europe, il faisait au moins 3 degrés de plus que la moyenne saisonnière. Après une décennie de chaleur exceptionnelle, après une année 2019 parmi les plus chaudes de toutes, 2020 semble prolonger cette dynamique. Et pour conclure, une équipe INSERM vient d'inventer du textile humain médical. Et des bio-ingénieurs français ont cultivé du fil à partir de cellules de peau humaine. Un fil qui peut être ensuite tricoté dans le corps. Cela a été pensé pour éviter les rejets immunitaires assez fréquents avec des points de suture synthétiques traditionnels. Ce fil humain peut donc être appliqué pour la réparation d'organes, pour refermer les plaies ou pour assembler des greffes de peau. Dans l'étude qui vient de paraître dans la revue Science Direct, différentes méthodes de tissage et d'assemblage y sont décrites. Voilà, tout petit tricotage pour vous, Natacha, ce soir à la maison, mais avec de la laine bien entendu. On se retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Il y a 10 ans donc, le grand public découvrait presque par hasard le visage de la guerre secrète qui se tenait depuis des années cachée de tous dans le secret des circuits de silicium, des puces informatiques, des ordinateurs internationaux. Avec Stuxnet, vers informatique de facture très probablement américano-israélienne visant le programme d'enrichissement d'uranium iranien, la cyberguerre mondiale grimpait d'un échelon en publicité d'une part et en hostilité de l'autre. Dorénavant, il ne s'agissait plus seulement de perturber un programme informatique sur un serveur ou de subtiliser des informations, mais directement d'entraver un système industriel physique via un verre informatique. Cette guerre se tient en fait à bas bruit depuis le début du développement de l'informatique. Et si aujourd'hui on parle de ransomware ou de rançongiciel comme la principale plaie pour soutirer de l'argent aux particuliers ou aux entreprises, ce procédé existe depuis bien avant la généralisation d'Internet, comme en témoigne notre archive du jour, extrait de la matinale de France Inter il y a tout juste 30 ans, le 3 février 1990. Le virus informatique était parti de Grande-Bretagne en décembre dernier, puis s'était propagé dans plusieurs autres pays. Son auteur présumé, Joseph Pope, vient d'être arrêté dans l'État d'Ohio sous l'accusation de tentative d'extorsion de fonds. Ce virus, véhiculé par un programme d'information sur le sida, était distribué à 20 000 exemplaires à partir de Londres sous forme de disquettes, les explications de Jacques Tizio. Même si la presque totalité des 20 000 disquettes avait été diffusée en Angleterre, elles avaient vite paralysé des ordinateurs dans d'autres pays d'Europe et aux États-Unis. Rien sur l'emballage ne permettait de soupçonner que le petit disque de plastique contenait autre chose que des informations sur la propagation du sida. Mais le programme contenait un virus qui empêchait subitement les utilisateurs d'accéder aux autres fichiers de leurs ordinateurs. De surcroît, la disquette contenait un message, un chantage. Presque 2000 francs et l'utilisateur recevrait les instructions pour se débarrasser du virus et accéder à nouveau à ses fichiers. L'affaire avait disparu de la première page des journaux, mais pas de la première place pour beaucoup d'enquêteurs. Et ce sont ceux de Scotland Yard qui ont conduit les policiers américains sur la piste de Joseph Pope, qui a travaillé pour l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture et qui a eu ainsi accès à la longue liste de ses destinataires dans des centres de recherche, des laboratoires et des hôpitaux. Joseph Pope a été arrêté à Willowick, près de Cleveland, dans l'Ohio, et il a été accusé d'avoir propagé le virus et tenté d'extorquer de l'argent des destinataires de la disquette. Voilà, il y a 30 ans déjà, évidemment, les plus jeunes de nos auditeurs, ça représente une sorte de passé préhistorique, on parle de disquette. Je me souviens bien qu'il fallait faire attention quand on s'échangeait des programmes ou des jeux avec des camarades dans mon Amstrad CPC 6124, il fallait faire attention à la disquette qu'on mettait dans le lecteur. Une réaction, Jean-Yves Marion, à cette archive? Ah bah ça nous rappelle notre jeunesse, mais les virus ont commencé bien avant, puisque les premiers virus, au moins, qu'on retrouve, sont les années 70 avec les prédécesseurs, l'ancêtre d'Internet autour des projets d'ARPANET. Le mot même de virus vient de la thèse de Cohen en 84, dont le directeur de thèse était le fameux Adelman, qui est prix Turing. Adelman est célèbre parce que c'est le A en chiffrement de RSA quand vous faites des codes secrets. Le chiffrement utilise des codes RSA avec les clés. C'est un des trois co-inventeurs. Et c'est aussi le papa de ce qu'on appelle le DNA computing, c'est-à-dire le calcul ADN, où vous utilisez l'ADN pour faire des calculs. Votre réaction, Eric Fraissinet, à cette... Alors c'est toujours intéressant de voir les retours des différentes formes de cybercriminalité. Et la vague de rançongiciels qu'on connaît aujourd'hui date de 2012-2013. Hein, y a eu le virus gendarmerie qui nous a beaucoup concernés en 2012, avec plus d'un millier de victimes assez vite à l'époque. Et en fait, on avait eu les premiers rançongiciels dans mon passé professionnel, au début des années 2000, qui ciblait des téléphones mobiles avec des transmissions par Bluetooth entre téléphones qui étaient ouverts aux échanges et qui affichaient un message et qui bloquaient l'utilisation du téléphone. Donc avant les smartphones. Aujourd'hui, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la NSSI, affirme que les ransomware, les rançongiciels, sont la plus grande menace. Vous confirmez ça, Eric Fraissinet ? Alors c'est la menace la plus visible et c'est ça qui est problématique. Alors effectivement, ça a un impact immédiat sur le système d'information des victimes et puis éventuellement... On peut peut-être rappeler en un mot ce que c'est qu'un rançongiciel, pardon. Oui. On fera la taxonomie dans quelques instants, mais juste pour ne pas avancer dans l'obscurité. L'idée, c'est que c'est un outil d'extorsion qui arrive sur l'ordinateur ou le réseau des victimes. Et qui bloque l'accès au système d'information ou aux données du système d'information en les chiffrant. Hein, c'est ce qui s'est développé depuis quelques années. Donc en rendant inaccessibles les données elles-mêmes et affiche un message de rançonnement. Ces rançongiciels, ils sont très visibles sur l'ordinateur des victimes. Ils bloquent le fonctionnement des entreprises, mais ils masquent d'autres réalités. L'utilisation de failles dans les systèmes auparavant pour exfiltrer des données de l'entreprise ou des personnes. D'ailleurs, pouvoir réaliser d'autres types d'extorsions. Attention, on va vous dévoiler vos données confidentielles. C'est ce qui se fait beaucoup actuellement. Et donc, c'est important pour les victimes. C'est pas parce qu'on a éradiqué le rançongiciel qu'on a nettoyé complètement son système. Jean-Yves Marion. Oui, si je peux compléter, on voit l'apparition de nouveaux rançongiciels où, avant de chiffrer, l'attaquant va extraire les données et les conserver de telle manière à aussi faire du chantage que la rançon soit payée ou pas. Et d'autre part, parfois, on le confond avec des rançongiciels. Il existe aussi des logiciels malveillants, des malwares qui, eux, ont l'allure d'un rançongiciel, mais qui simplement efface toutes les informations. Et là, c'est le célèbre, par exemple, Nopetya, qui a fait beaucoup de dégâts dans pas mal d'entreprises. Alors, on va parler des nouvelles formes et des nouveaux visages, justement, de ces malwares, de ces logiciels malveillants, de cette cyberguerre, qu'elle soit d'ailleurs du côté entre États ou du côté de la cybercriminalité. La vraie question qu'on se pose toujours quand on étudie bien ce qui se fait, c'est qu'on a quand même l'impression, généralement, alors je ne sais pas si c'est une bonne chose à dire, Eric Fraissinet, mais que toujours les cybercriminels ont une longueur d'avance. Est-ce que c'est encore le cas ? Alors, jusqu'à ce qu'on découvre leurs nouvelles approches, oui, ils peuvent avoir une longueur d'avance. En fait, il y a différents temps. Il y a la question des vulnérabilités sur les systèmes d'information. Et donc, effectivement, ils peuvent être découverts par certains réseaux criminels, être revendus dans les réseaux criminels, ces vulnérabilités, les façons de les exploiter, avant qu'elle soit rendue publique, avant qu'elle soit connue des fabricants, des éditeurs de logiciels et des responsables de la sécurité des systèmes d'information dans les organisations. Et les méthodes aussi, évidemment, ils doivent innover. Mais la question à se poser à chaque fois, je pense, c'est que dès qu'on a un nouveau type de système, dès qu'on va sortir un nouveau produit, un nouveau service sur Internet, c'est important de se poser la question: qu'est-ce que les attaquants vont pouvoir utiliser dans mon système, dans mon nouveau produit, pour pouvoir détourner l'argent des utilisateurs, détourner leurs données. Donc il faut qu'on ait un temps d'avance dans le développement des produits. Jean-Marie. Oui, quand je fais un cours sur le sujet, je dis toujours, il faut penser comme un hacker. C'est-à-dire que finalement, la solution qui va être trouvée ou imaginée, ce n'est pas forcément la solution que nous, on aurait. Et il y a une grosse différence entre la défense et l'attaque. Et d'autre part, il faut toujours avoir en tête qu'aujourd'hui, bon, il y a plusieurs typologies d'attaquants. On va dire, il y a l'attaquant, on va dire, entre 18 et 25 ans qui va essayer, ok. De récupérer un peu d'argent. Récupérer un petit peu d'argent, qui fera une attaque, on va dire, grand public, dans le sens non ciblé. Et puis, à côté de ça, vous parliez de Stuxnet. Ce sont des groupes de développeurs bien formés dans les meilleures écoles ou les meilleures universités dans le monde qui vont développer cela. Et par exemple, si on revient sur la question des rançongiciels, quand c'est chiffré avec les meilleures techniques de chiffrement actuelles, sans erreur de cryptographie, comme on l'a pu le voir il y a 5, 10 ans, où parfois il y avait des erreurs. Maintenant, c'est terminé. On a vraiment des professionnels qui sont en face d'autres professionnels dans une sorte de guerre ou de guérilla numérique. Un mot, on aura le temps d'y revenir certainement, mais la ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé une rallonge de 1,6 milliard d'euros avec embauche de 1000 cybercombattants pour une cyberarmée. Hein, je cite les termes du gouvernement, de 3500 à 4500 personnes d'ici 2025. Ça veut dire qu'en ce domaine, Jean-Yves Marion, la France est en train de se doter finalement d'un nouveau corps de l'armée en quelque sorte, ou en tout cas de prendre la mesure de la menace que cela représente à l'échelle d'une nation ou même à l'échelle internationale. Oui, je peux juste faire un témoignage qui vaut que mon propre témoignage à Nancy. Donc là où je travaille, il y a effectivement une cyber-réserve qui s'est constituée avec plusieurs personnes et qui est extrêmement active, surtout en termes de formation auprès d'autres personnes, soit des militaires ou des forces de l'ordre, ou alors auprès des entreprises. Je crois que c'est très bien d'avoir cette prise de conscience qui permet de sensibiliser les gens. J'aime bien, et récemment il y a eu un article dans les Échos de Guillaume Poupard, le directeur de l'ANSSI, qui dit en gros, la sécurité c'est quelque chose, la cybersécurité est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Par exemple, si vous achetez une voiture, vous n'allez pas acheter une voiture sans frein pour faire des économies. Non, ça n'a pas de sens. Et là, c'est un petit peu pareil. Et parfois, on fait des économies de bout de chandelle pour des choses importantes. Il était temps, Éric Frayssinet, peut-être que la France step up, comme on dit en américaine, c'est-à-dire prenne la mesure et se dote d'une véritable force de cyber-attaque ou une cyber-armée, comme le dit la ministre. Alors oui, et puis de cyberdéfense, hein, c'est le message principal quand même. On n'est pas là pour attaquer les autres, mais avant tout pour défendre notre pays. Et pourquoi pas ? Pas officiellement en tout cas. Pourquoi pas dans certaines circonstances. On ne va pas faire l'angélisme non plus. Enfin. Pourquoi pas dans certaines circonstances, effectivement. Et puis même dans le cadre des enquêtes judiciaires, évidemment, il peut y avoir des actions offensives pour accéder à la preuve. Dans le respect des lois. Le ministre de l'Intérieur, la semaine dernière, au Forum international de la cybersécurité à Lille, a rappelé qu'aujourd'hui, il y avait 9500 policiers et gendarmes qui avaient été formés à différents niveaux à la lutte contre la cybercriminalité. Et on va continuer de développer ces moyens. Et au-delà de ces questions de formation, il y a aussi les enjeux d'échange d'informations avec les différents acteurs, la richesse de l'écosystème en France qui est réelle, hein, on le vivait la semaine dernière encore au FIC, il y avait 12 000 participants et essentiellement des professionnels qui sont là pour échanger, des étudiants qui se forment à ces questions-là, donc oui, il y a une réelle montée en puissance. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons de cybersécurité et de cybercriminalité en nous interrogeant 10 ans après Stuxnet sur l'évolution de ces milieux et de cette guerre visible ou invisible d'ailleurs. Nous en parlons avec Jean-Yves Marion et Éric Frayssinet. Peut-être on peut refaire un petit peu de terminologie rapidement, Jean-Yves Marion. On parle de rançongiciel, donc de ransomware, mais il y a différentes choses. Vous étiez venu l'un et l'autre d'ailleurs parler ici des botnets. On peut parler des virus, des vers, des chevals de Troie. Est-ce que c'est important de connaître vraiment la spécificité de chacune de ces armes ou est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, elles ont été un peu toutes fondues dans une sorte d'arme globale ? Non, je crois que cette terminologie n'a pas beaucoup d'importance dans le sens où elle stimule l'imagination. Lorsqu'on parle d'un vers, d'un virus, ça la fait peur, mais on est bien loin d'un virus biologique. Si on revient, le mot virus au départ se justifie par le fait qu'un virus était un programme qui avait la propriété de pouvoir se dupliquer, donc comme un virus biologique. Voilà. Mais l'analogie ne va pas beaucoup plus loin que cela. Un ver, par contre, va vouloir se propager. Donc on voit que la différence est relativement subtile. Moi, je préfère parler de code malveillant, de malware ou encore de rançon logicielle, dans le sens où on comprend l'impact que cela a sur la victime et pas tant de la façon dont il fonctionne. Maintenant, on peut quand même avoir des classifications. Je crois que c'est important pour bien comprendre. Et une classification, par exemple, peut être du point de vue de est-ce que c'est ciblé, non ciblé, une fois que et l'un et l'autre. Après, est-ce qu'il y a propagation ou pas propagation? Si on voit, par exemple, une attaque ciblée, si donc je vise un organisme particulier ou une entreprise ou quelqu'un, par exemple, si je vous vise, vous, Nicolas, est-ce que je vais vouloir aller un tout petit peu plus loin et donc rentrer d'abord dans votre smartphone, puis aller sur votre ordinateur personnel, ainsi de suite. Donc il y aura une propagation, mais limitée, enfin, ciblée, en tout cas, voilà, c'est contrôle, ça. Hein. Avec un objectif, avec Éric Fraissinet, sur l'ensemble de cette espèce de tératologie de cybercriminalité. Finalement, on voit aujourd'hui, puisque vous l'évoquiez d'ailleurs tout à l'heure, que ces rançongiciels, finalement, ce sont aussi des extracteurs de contenu, d'informations. Encore une fois, que tout ça s'est un peu unifié sous des formes de malware. Alors, ils peuvent combiner différentes fonctions, mais effectivement, la compréhension autour du pourquoi. Pourquoi le virus a été créé, à quoi il sert, est quand même importante, notamment pour une entreprise qui serait victime, être capable de comprendre rapidement quel a pu être l'impact sur son système d'information de tel type de virus qui a été détecté dans son réseau. Est-ce que ça a pu avoir un impact sur les données à caractère personnel qu'on traite? C'est important. L'autre aspect sont les différentes étapes. En fait, il y a souvent différents morceaux, différents processus, différentes étapes dans une infection par un virus, et donc différents outils qui sont utilisés par les attaquants. Certains qui servent à pénétrer le réseau informatique, d'autres qui servent à installer d'autres logiciels malveillants. Etc. Etc. L'exploitation, pénétration, installation, exploitation, c'est les trois étapes à peu près communes à ces différents types de logiciels malveillants. Et juste une autre dimension, une des grosses distinctions aujourd'hui, c'est entre le virus, le logiciel malveillant qui est codé, développé et utilisé par une équipe, une personne, un groupe d'attaquants, et puis celui qui est commercialisé sous forme d'un service. Qui peut être donc facilement réutilisé par des personnes qui s'y connaissent un petit peu moins techniquement. Ils cliquent et ils installent le système et ils peuvent le déployer. Vous pensez à des attaques de déni de service, par exemple? Alors oui, ça peut servir à ça. Hein. C'est ce qu'on appelle dans le ransomware, par exemple. On parlerait du ransomware as a service. L'idée, c'est que le délinquant qui fabrique ça vous livre clé en main la plateforme qui permet de piloter, de diffuser le logiciel malveillant, de récupérer les informations sur les infections et même de communiquer avec les victimes. Donc, des plateformes complètes livrées comme un service sur Internet. Oui, Marion. Oui, toujours dans cette classification des virus, effectivement, si on prend plutôt du côté de la victime, on peut soit, comme le dit Eric, voir les conséquences. Et généralement, on peut avoir une grille d'analyse vraiment très, très simple, hein, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça CIA, mais qui est très connu, hein, C c'est pour la confidentialité, donc une attaque qui va voler des informations sur un système, donc ça va voler soit des informations personnelles, soit une simple personne, ou des informations d'une entreprise. Le I, c'est pour intégrité, c'est quand le système, vos informations, vos données vont être modifiées. Bon, le cas le plus extrême étant celui du rançongiciel, où là, c'est chiffré, vous n'avez plus accès, ou bien Nopetya qui va carrément les effacer. Mais parfois, on peut juste modifier quelques valeurs. Vous pouvez imaginer, dans certains lieux particuliers, vous commencez à modifier des valeurs dans des fichiers, qu'est-ce que ça peut faire? Et le dernier, c'est, on va dire, plutôt l'accessibilité, c'est-à-dire le fait que le service soit toujours disponible et en ligne. Et là, vous avez des attaques dites par déni de service qui vont rendre un système inaccessible. Et on a des exemples d'attaques qui peuvent, par exemple, bloquer les transports en commun. Il y a eu un exemple en Suède, je crois, en 2017 ou en 2018, qui ont bloqué les transports en commun, ou les transports ferroviaires. Ferroviaire, absolument. Hein, oui. Pendant deux jours. Et on craint, effectivement, pour ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, tels que toutes les centrales d'énergie, etc. Alors, si nous faisons cette édition aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, il y avait un forum lié à la cybersécurité à Lille la semaine dernière, mais aussi parce que cette année marque les 10 ans de Stuxnet. Stuxnet, alors c'est un nom dont vous avez peut-être entendu parler. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut dire, ou est-ce que c'est juste pour le grand public, qu'il y a une sorte tout de même d'avant et d'après Stuxnet, à votre avis, Jean-Yves Marion ? Ah, tout à fait. C'est un... Enfin, peut-être tout à fait. Pour moi, oui. Voilà. Je vais être un peu plus raisonnable sur cette fois. Pour moi, oui, parce que tout d'abord, c'était la preuve évidente qu'il n'y avait pas que des... Des criminels. Des petits criminels, comme ça, la petite semaine, mais pas du tout. Que là, on avait vraiment un programme extrêmement bien fait qui demandait à utiliser plusieurs vulnérabilités. Vous vous souvenez, les vulnérabilités, ce sont ces portes d'entrée qui permettent de rentrer les systèmes. Ce sont des bugs. Mmh. Donc, il y en a plusieurs qui ont été utilisés. Et puis, ça passait non pas simplement dans le monde, on va dire, virtuel, dans ce cyberespace. Ce sont les objets que l'on a, les objets numériques, mais dans la vie. C'est-à-dire que c'est une centrifugeuse, ça peut modifier des choses vraiment importantes. Après, maintenant, aujourd'hui, des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Hein. Si on regarde, par exemple, les attaques sur les objets connectés, les caméras, les voitures, tout ça, maintenant, ça devient un peu plus courant. Mais à l'époque, ça a vraiment été, pour moi, quelque chose de très surprenant. Éric Fraissinet ? C'est difficile à dire. Il y a toujours une continuité. On rappelait en début d'émission le fait que les rançons logicielles en fait remontaient au début des virus. Et donc vraisemblablement, il y a certainement eu des actions qu'on va qualifier d'espionnage, des attaques provenant d'autres États depuis le début des réseaux informatiques et même peut-être avant l'existence de réseaux. C'est plus la... la nature publique de l'information est donc une prise de conscience dans la communauté. C'est plus la nature de la cible qui nous informe. Les centrifugeuses iraniennes d'uranium. Voilà. Mais pas forcément. C'est pas forcément un événement disruptif dans les comportements des uns et des autres. Je pense que tout existe. Ce qui évolue très certainement au cours du temps, c'est le nombre de délinquants impliqués, ce que je rappelais sur les logiciels malveillants fournis comme un service qui a été une vraie évolution. Mais c'est surtout des évolutions qu'on vit. C'est des évolutions d'une année sur l'autre, d'une décennie à l'autre et des ruptures de communication. WannaCry, ça a été intéressant. C'est le retour du verre. Et en soi, WannaCry, c'était en 2017, hein, qui était un rançon logiciel auto-répliquant et qui, selon Europol, est le plus grand piratage à rançon de l'histoire. Alors, c'est plus tout à fait vrai, peut-être maintenant, mais enfin, ça l'était oui, en l'occurrence. On peut pas critiquer ça, mais ce qui était intéressant, c'est son mode de propagation, qui était un de ses défauts d'ailleurs, parce que du coup, il n'atteignait pas forcément les cibles qu'il souhaitait. Ou en tout cas, l'impact a été limité à certains types de systèmes qui étaient connectés directement à Internet. Mais ça a rappelé qu'il pouvait y avoir des vers et qu'il y avait encore des vulnérabilités directement exploitables sur Internet. Parce que pour WannaCry, on peut rappeler aux auditeurs qu'il y a des grands groupes, dont Renault par exemple, qui ont été touchés, des rançons logicielles, ça a bloqué. C'est bien ça. Qui ont eu des alertes qui ont nécessité des vérifications dans leur système d'information. Oui. Jean-Yves Marion. Oui, pour revenir sur Stuxnet, c'est aussi le moment où moi j'ai pris conscience du fait que nos défenses étaient faibles, parce que Stuxnet est resté relativement longtemps non vu, et ensuite il y a eu des différentes variations de Stuxnet, par exemple un autre logiciel malveillant qui s'appelait Dooku, D-U-Q-U, qui était très similaire à Stuxnet dans le sens où il reprenait le même code informatique, plus ou moins les mêmes fonctionnalités. Et ce dernier est resté plusieurs mois, je crois, de mémoire, au moins 9 mois ou 12 mois, inaperçu à nos défenses. Ce qui montre ce qui nous rend extrêmement modestes sur nos défenses, c'est sur notre capacité à savoir si oui ou non un système est compromis par un code malveillant, que ce soit un ver, un virus ou un code d'espion ou de destruction. Puis entre l'identification du code malveillant du ver ou du virus et puis ça, la compréhension de son fonctionnement, il peut parfois se passer un peu de temps. C'est ce à quoi servent un certain nombre de centres qui étudient ces logiciels malveillants. C'est ce que vous êtes allé voir, Céline Lezenne. Bonjour. Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au Loria où l'on étudie, où travaille donc Jean-Yves Marion. On étudie, on dissèque ces petites belles malveillantes et c'est presque exactement, d'ailleurs c'est assez impressionnant, le même environnement que l'étude de virus biologiques dans des endroits extrêmement protégés et confinés. Oui, tout à fait. Dans ce laboratoire, il y a un endroit particulièrement confiné, la chambre rouge. Sa fonction est de capturer le plus grand nombre de malwares qui rôdent sur Internet, de les piéger et de les stocker en lieu sûr. Fabrice Sabatier, ingénieur, m'a fait entrer dans cette zone qui contient à ce jour environ 35 millions de vers et de virus. Une collection dangereuse mais très précieuse pour lui et ses collègues, car une fois les malwares piégés, ils arrivent à les caractériser selon leur profil, des sortes de portraits robots intimes qui servent ensuite à mettre au point des systèmes de détection. Depuis plusieurs années, on enregistre les codes malveillants, les virus, les malwares, en termes généraux. Tout ce qui passe sur Internet, on les capte et on les enregistre dans le laboratoire pour après pouvoir les faire tourner en toute quiétude dans nos systèmes informatiques. Bien, rentrons, allons-y. Alors pour ça, je vais badger et je vais m'authentifier avec mon index. Voilà, donc la porte est ouverte. On va rentrer dans le SAS. Donc on est obligé de tous rentrer et de fermer la porte pour pouvoir ouvrir la deuxième porte. Comme un laboratoire de biologie. Exactement. Alors tout est sous alarme, bien sûr. Donc on va attendre que la porte se ferme. À partir de là, je peux badger et ouvrir la seconde porte. Donc on va rentrer dans la salle de travail. Donc à partir de cette salle-là, on va pouvoir avoir accès à l'ensemble des machines, des serveurs qui sont dans la pièce à côté. Alors, un des objectifs des travaux qui sont effectués ici, c'est d'arriver à capturer un certain nombre de malwares qui traînent. Et qu'est-ce que ça permet de faire, de les stocker ici? Alors, effectivement, ici, on utilise des systèmes qui permettent de capturer des codes malveillants sur Internet. Alors, c'est quoi votre stratégie pour les capturer? Alors, on en a plusieurs. En fait, on en a un qui est assez simple, c'est ce qu'on appelle, nous, on va mettre en place des pots de miel. C'est-à-dire, on va faire croire qu'on a des machines qui sont vulnérables, avec des trous de sécurité, qu'on va mettre à disposition sur Internet et on va attendre qu'on nous attaque. Et lorsqu'on nous attaque, eh ben on va récupérer tous les codes qui vont être déposés sur cette machine. Et on a une seconde stratégie qui consiste à aller se promener sur Internet. On va aller sur le web et on va aller sur les pages qui sont réputées comme étant malveillantes. C'est-à-dire qu'on a une forte probabilité d'être infecté si on va sur ces sites-là. Et ben nous, on y va et on récupère les échantillons ou les codes binaires qui risquent d'infecter notre machine. Alors là, on va se rendre dans la salle des serveurs où sont stockées nos machines. Elles vont nous servir, entre autres, à faire exécuter des codes malveillants. Donc là, je badge une nouvelle fois. Là, nous sommes dans le SAS, nous allons rentrer dans la salle blanche. Alors ici, par exemple, typiquement, on a une baie, ce qu'on appelle une baie, c'est une armoire, qui va contenir plusieurs serveurs. Donc plus on a de serveurs, plus on aura de ressources, et mieux on pourra examiner plus de malware en même temps. Il y a combien, là? On en a à peu près une centaine, en gros, répartis sur 4 baies. Donc les 35 millions de malwares sont ici? Alors, non. Ici, on a nos machines pour pouvoir faire exécuter les malwares et les analyser. Par contre, nos malwares sont stockés dans une autre pièce encore plus sécurisée. Alors, on a aussi, dans une baie ici, un système qui va faire croire, je vous ai parlé tout à l'heure de pot de miel, et bien, physiquement, ici, on a des machines qui sont connectées à des box ADSL et faire croire qu'ils sont vulnérables à des attaques. Ça va nous permettre effectivement de pouvoir récupérer quelques malwares qui vont attaquer nos systèmes. Si vous voulez voir où sont stockés les malwares, donc là on a un nouvel endroit qui est encore sécurisé par de la biométrie, donc cette fois-ci c'est par reconnaissance de l'iris. Donc je vais m'authentifier. Donc c'est vraiment ici la salle. Donc là voilà, c'est vraiment une petite salle. Mais ici, voilà, vous voyez, il y a une petite bêche, donc là avec quelques serveurs. C'est vraiment ici que sont stockés les malwares. Voilà, donc on va retourner dans la salle de travail. C'est nettement plus calme. Alors ici, vous faites de l'analyse morphologique sur des vers, des virus qui sont auto-modifiants, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité d'évoluer. Comment vous arrivez comprendre ça et à retrouver les virus d'origine, parce qu'une fois qu'un virus se métamorphose, c'est très compliqué de pouvoir le cerner et d'identifier la fonction originelle. Voilà. Alors, c'est vrai, on va parler directement de mutation de code, hein, puisqu'en fait, c'est son code qui l'embarque, qui va évoluer pour pouvoir se cacher. Mais la fonction même de, par exemple, chiffrer des documents, elle sera toujours présente. Et donc, la difficulté, effectivement, c'est de retrouver cette fonctionnalité en prenant compte que, eh ben, il fait plus tout à fait pareil pour pouvoir chiffrer ces fichiers. Donc, pour ce faire, on va prendre le fichier, on va le désassembler, c'est-à-dire on va regarder vraiment les instructions qui sont exécutées sur la machine. Et à partir de chaque instruction, on va en extraire un graphe représentatif de son comportement. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. C'est comme si la propriété avait une représentation topologique. Alors, c'est ça. L'enchaînement des instructions qui composent le programme va pouvoir être schématisé sur l'écran, par exemple. Ici, on représente le comportement du programme en fonction de ces instructions qu'on voit passer sous une forme d'une molécule avec plusieurs branches. Donc, chaque branche va caractériser le fonctionnement du programme. Une fois qu'on a cette représentation-là, on va un petit peu la simplifier. Et une fois qu'on l'a synthétisée, on va la mettre dans une base de données. La deuxième partie, c'est si on veut retrouver ce code malveillant dans un autre programme, eh ben on va rechercher ce graphe qu'on a synthétisé. Ici, par exemple, on a un cas où un morceau de code malveillant qu'on a déjà vu quelque part dans un autre malware, on va le retrouver dans le programme qu'on est en train d'analyser. Donc c'est ça, oui, l'enjeu, c'est de développer des outils de détection. Alors, non seulement c'est de pouvoir créer des outils qui détectent un code qui est malveillant, mais aussi d'aider l'analyste pour qu'il puisse extraire le comportement du code malveillant. L'idée, c'est de, en même temps de sortir son comportement, c'est de le caractériser, de dire, OK, on reconnaît que là, il embarque des fonctions de chiffrement. Donc, on s'attend à ce que ce soit, par exemple, un ransomware, puisqu'il va essayer de chiffrer des données. Et quel est l'objectif final? Est-ce que c'est de développer des défenses pour les prochains vers qui pourraient surgir, que ce soit dans les infrastructures, sur les réseaux, sur Internet, sur le web? Alors oui, la difficulté, c'est vraiment de comprendre le comportement et d'essayer de synthétiser le comportement qu'on pourrait trouver dans l'ensemble des malwares. La problématique, c'est que chaque malware est plus ou moins unique. Donc c'est de développer des systèmes qui vont essayer de pouvoir donner une vue d'ensemble sur ce qu'on peut rencontrer au niveau des codes malveillants. Voilà, voyage dans cette chambre ultra sécurisée du Loria où vous travaillez. Jean-Yves Marion, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Je crois que c'est un témoignage intéressant de ce que peut faire la recherche tout court sur les luttes contre les virus. Je crois que c'est important de conduire ce type de recherche pour faire évoluer nos défenses. Donc on voit l'analyse morphologique que j'ai proposée maintenant il y a quelques années. Ça combine beaucoup de choses, hein, ce qu'on appelle nous des méthodes formelles, donc vraiment les fondements de l'informatique. On va décortiquer ces programmes malveillants. Et puis après, pour les détecter, on va essayer de les classifier. Mais pour ça, on va utiliser des outils qui vont s'apparenter à l'IA avec du machine learning, etc., de telle manière à ensuite à pouvoir proposer des outils de détection ou de, comme l'a très bien dit Fabrice, de savoir qu'est-ce qu'ils font. C'est un peu le Graal, savoir, on va me donner un programme et moi je vais vous dire, ben voilà, il fait ça. Et là, on en est encore loin, bien sûr, mais c'est un pas vers ce résultat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit mutation, nous, ce n'est pas mutation comme le virus de la grippe. Hein. On n'a pas un réel changement de comportement. On ne peut pas passer, par exemple, d'actif à très actif ou à mortel. C'est pas exactement ça. C'est simplement, on va dire, l'industrie du logiciel malveillant, pour produire plus de codes malveillants qui passent invisibles, qui ne passent inaperçus à nos défenses, va les reprotéger, va les camoufler, va les rhabiller. Évidemment, ces techniques sont extrêmement compliquées. Hein, ça s'appelle en fait de l'obfuscation de code. Il y a un mot. On va avoir des codes automodifiants qui, lors de leur exécution, vont se modifier eux-mêmes. Alors comme ça, rendant les pauvres antivirus aveugles de tout ce qu'ils ne voient pas. Donc on est obligé de mélanger différentes techniques pour arriver à comprendre ce qu'ils font. Alors nous, dans notre jargon, on dit d'analyse statique et dynamique, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir, on va essayer de lire le programme sans l'exécuter et voir est-ce qu'il est bienveillant ou malveillant. Puis quand on ne sait vraiment pas, mais qu'on soupçonne quelque chose, on va le mettre dans un bac à sable et là on va le faire fonctionner un certain temps pour comprendre ses motivations. Quels sont les marqueurs, par exemple, d'un logiciel malveillant ? À quoi ça se repère ? Ce sont des lignes de code qui programment pour certaines fonctions qui sont systématiquement les mêmes. Comment est-ce qu'on arrive à catégoriser ça ? Alors, si c'était ça, on ne serait pas là, parce que le problème serait résolu, c'est fini, on en parlerait plus. Hein. Bien sûr. Non. Il faut comprendre que les attaquants sont des gens extrêmement intelligents, peut-être plus intelligents que nous autour de la table. Donc, c'est extrêmement bien programmé. C'est difficile d'avoir une mesure d'entropie, de ligne, de repérer quelque chose. En général, ça ne se fait pas comme ça. Ils utilisent les mêmes techniques de protection que ce que vont utiliser les grands éditeurs de logiciels pour protéger la propriété intellectuelle de leurs algorithmes. Et de ce fait, ben, on ne voit pas directement l'action que va faire le programme. Donc, il faut vraiment le comprendre en profondeur. Eric Pressine, à propos de ce reportage ou de ces travaux de recherche. Alors, il y a d'autres intérêts pour revenir sur l'enjeu de l'enquête judiciaire. Et on avait échangé avec les équipes de Jean-Yves Marion sur la question de la classification des différentes familles de rançongiciels, puisque quand on s'est rencontrés, c'était au tout début des nouvelles vagues de rançongiciels en 2012. Et différencier les différentes familles, c'est un enjeu, parce que pour l'enquête, pour nous, aujourd'hui, par exemple, je vais vous citer quelques noms, Dharma, Phobos, Sodi, Nokibi, ces différentes familles, classifier la façon dont telle victime a pu être infectée, quelle est la nature de l'attaquant, c'est ça qu'on va chercher à identifier. Il faut qu'on puisse trier les affaires séparer les traces qu'on retrouve, hein, telle adresse de courrier électronique, tel site web, comme l'expliquait Jean-Yves tout à l'heure, ou Fabrice Sabatier dans l'enregistrement, tel site web qui a servi à réaliser l'infection, et regrouper les traces pour aider à identifier les auteurs qui sont derrière. Donc ça, c'est un objectif important. Comprendre la vie du logiciel malveillant, comme vient de l'expliquer Jean-Yves, c'est important aussi. À quel moment est-ce qu'on se trouve quand il y a une alerte ? Est-ce qu'on est au tout début de l'infection ? Ou est-ce qu'on est tout à la fin, quand c'est beaucoup trop tard pour réagir ? Et ça va être important pour notre interaction avec la victime et les personnes qui vont l'aider à restaurer son système. Et ça va nous renseigner sur le type de traces qu'on va pouvoir encore récupérer. Cette compréhension fine par les chercheurs, elle nous est très utile. Ce qui me ramène à ma question initiale, c'est de me dire, quand on voit ce travail de décortiquage de fourmis pour comprendre, pour repérer déjà, pour identifier, pour comprendre le fonctionnement, pour comprendre la vie, puis ensuite pour réussir à mettre en place des défenses, on a tendance à dire tout de même que les attaquants ont une longueur d'avance systématiquement, presque ontologiquement par rapport aux défenseurs, Jean-Yves Marion. Oui, tout à fait. Si on revient sur le début, c'est-à-dire sur les phases de vie d'un code malveillant, d'un virus, on voit que la première phase, c'est l'intrusion. L'intrusion, ça passe par une vulnérabilité. Donc déjà, il faut connaître la vulnérabilité. Si la vulnérabilité est dite « zero days » ou qu'elle n'est pas encore divulguée, évidemment que déjà, on a une porte d'entrée qu'on n'a pas vue. C'est comme s'il y avait une porte chez vous qui était dérobée, que vous ne connaissiez pas. Donc déjà, ça pose problème. Mais juste pour dire la vulnérabilité, ce qu'on appelle la vulnérabilité « zero days », c'est effectivement quand la porte qui est utilisée n'est absolument pas connue, que le bug est découvert et que du coup, la première intrusion se fait sans pouvoir être repérée par aucun type de logiciel de protection. Exactement. Ceci dit, il n'y a pas que les zero days, il y a aussi simplement les vulnérabilités qui, elles, sont connues et que les attaquants vont quand même utiliser parce que nos systèmes ne sont pas mis à jour. Parce que généralement, dès qu'elle est connue, la vulnérabilité, l'éditeur du logiciel concerné fait une mise à jour. Mais cette mise à jour n'est pas reportée sur nos systèmes. Évidemment, la porte est toujours là. Et ça me laisse... Il faut aussi dire que de ce fait, si on suit ce raisonnement que les portes d'entrée sont les vulnérabilités, si on avait des systèmes avec pas de bugs ou très peu de bugs, ça serait une maison un peu sans porte. Et là, beaucoup plus difficile à pénétrer. Donc, cette sécurité aussi a un coût. Hein, c'est la sécurité, on va dire, par design, hein, par conception. Et bien, puisqu'on parle de vulnérabilité, c'est justement le thème des recherches de notre doctorante du jour. Et c'est l'heure de retrouver la recherche Ah non, alors apparemment la doctorante du jour n'est pas là, donc on va la retrouver tout à l'heure. Peut-être qu'on peut avancer un peu, parce que vous évoquiez la typologie, Éric Fraissinet, des nouveaux rançongiciels. J'ai regardé, et alors j'ai vu que là récemment, il y a maintenant des attaques, puisque... Pour résumer un peu, souvent, la plupart du temps, il faut un support à l'attaque, donc un fichier exécutable, un document, quelque chose qu'on appelle une pièce jointe, ou enfin, bref. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait des fileless attacks, c'est-à-dire des attaques sans fichier. Qu'est-ce que c'est que ça, Fraissinet ? C'est simplement que le virus est uniquement présent dans la mémoire du système d'information. Éventuellement dans la base de registre, enfin dans des parties un petit peu cachées, mais pas tel qu'un fichier sur le disque dur. Ça reste des méthodes assez rares parce que c'est assez complexe à mettre en œuvre. Expliquez-nous, parce que j'ai du mal à concevoir. J'ai lu, hein, c'est un principe qui s'appelle la stéganographie. Comment est-ce que une attaque peut venir sans aucune forme de support, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire. Alors, si on parle de stéganographie, ça va quand même exploiter une vulnérabilité parce que il y a du code informatique qui est caché dans un autre fichier, un fichier PDF, hein, par exemple, qu'on va télécharger, une image, et puis on exploite une vulnérabilité dans le logiciel qui va afficher l'image, par exemple, et du coup, le code va pouvoir s'exécuter. Donc, les choses, par exemple, de prévisualisation, les de prévisualisation, voilà, dans votre mail, par exemple, ou dans le logiciel de messagerie, en fait, dans la routine qui sert à afficher l'image dans le système d'exploitation en général. Ça, ça fait partie des méthodes. Les techniques de stéganographie, c'est aussi pour exfiltrer de l'information ou pour communiquer au sein de ces réseaux. Mais honnêtement, la plupart des techniques utilisées couramment sont basiques. Hein. C'est des diffusions de fichiers qu'on télécharge, etc. Jean-Marion. Alors derrière ça, il y a quand même un concept important, fondamental de l'informatique. Hein. C'est qu'en informatique, en programmation en particulier, donc les codes malveillants, c'est qu'on confond, il y a toujours une confusion entre la donnée, par exemple l'image, et le programme. Donc données et programmes sont intervertibles et échangeables. C'est-à-dire que quelque part, on pourrait exécuter n'importe quelle donnée, même si ça ne ferait pas grand-chose, mais on pourrait le faire. Et ça passe de l'un à l'autre, et c'est là-dessus qu'on joue. Et c'est quelque chose qui est très ancien, puisque tous les ordinateurs font ça depuis le début de l'ordinateur. Et même si on remonte à la machine de Turing, donc à 1936, déjà la machine de Turing avait ce côté, une donnée et un programme peut s'échanger l'un l'autre. C'est quelque chose de fondamental, hein. Mais juste pour citer certaines évolutions, je lisais un papier il y a quelques jours sur un virus qui s'appelle ECANTS. ECANTS, c'est Snake à l'envers. Et c'est un rançongiciel qui s'attaque non pas uniquement aux fichiers en les chiffrant, donc en les rendant inaccessibles, mais en désactivant des process de systèmes industriels. Donc, c'est intéressant. Bah, dans une usine, vous avez des machines qui sont pilotées par... des ordinateurs hein, qui intègrent un certain nombre de fonctions, qui pilotent les machines, les fonctions des machines, etc. Et le rançongiciel a là une liste des process, des noms des processus, des programmes informatiques qui sont spécifiquement dédiés à ce type d'environnement et va les désactiver les unes après les autres, arrêter l'usine. Et donc là, c'est des attaques qui ciblent des nouveaux types de systèmes et qui peuvent rendre inopérant pendant plusieurs heures ou plusieurs jours une usine entière. Donc c'est d'autant plus efficace. Une autre évolution, j'ai vu, pareil, il y a quelques jours, un défi qui est lancé au sein d'une communauté, la communauté du rançongiciel Sodinokibi. Ils se lancent des défis entre eux, c'est celui qui récupérera le plus de victimes par exemple, qui pourra obtenir un prix, une remise sur son abonnement, etc. Donc il y a une ludification de la relation entre celui qui développe le virus et celui qui l'utilise, et ça c'est des évolutions qui sont intéressantes à observer et qui sont inquiétantes parce que ça va attirer des acteurs plus nombreux, en fait, qui vont utiliser ces logiciels malveillants. Donc, on parlait hein, tout à l'heure de l'utilisation de ces vulnérabilités. Je le disais, c'est le thème de recherche de notre doctorante du jour pour la recherche Montre en main. Nous sommes en ligne avec Colline Boniface. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse au Cyber Security Institute et à l'INRI, tout ça à Grenoble. Vous travaillez sur regard croisé sur les armes numériques, définition et enjeux d'attribution de l'utilisation d'une vulnérabilité. On vous écoute. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et merci de m'avoir invité à participer à votre émission. Donc en fait, je suis une juriste et je m'intéresse à tous les aspects relatifs aux cyberarmes avec l'aide notamment de collègues informaticiens à l'INRIA. Et en fait, cette collaboration, elle est très importante aujourd'hui car elle permet de relier le droit à des questions techniques du cyberespace. Parce que le cyberespace aujourd'hui, c'est d'abord un lieu où les États, les entreprises, les activistes vont échanger via des modes opératoires qui nous paraissent certes très techniques, mais toujours pour servir des intérêts qui sont entre guillemets classiques, donc des intérêts économiques, politiques, juridiques, dont les enjeux nous concernent tous. Et plus précisément encore, comme l'a rappelé le directeur de l'ANSSI, Guillaume Poupard, la semaine dernière, le cyberespace, c'est surtout un espace géopolitique où l'on fait la guerre. Donc oui, c'est une guerre secrète, en quelque sorte, mais on a vite pris conscience que les actes malveillants sur Internet n'étaient pas seulement le fait d'hackers isolés, mais également des États. Sauf qu'en fait, si demain, un État venait à saboter les infrastructures d'un autre État au moyen d'une force armée, donc au moyen, disons, conventionnel, la communauté internationale, elle s'interrogerait forcément sur la légalité de son action, et cela impliquerait d'appliquer le droit des conflits armés pour répondre à l'intrusion. Donc ceci, ça m'amène vers mon premier problème, donc la première problématique de ma thèse, qui est quel est le statut d'une cyberattaque du point de vue du droit des conflits armés. Donc on sait que la charte de l'ONU en 1950 a interdit le recours à la force dans les relations entre États. Donc si l'on prend cette interdiction du point de vue du ver informatique Stuxnet, on peut se demander si lorsque la NSA, en collaboration avec le gouvernement israélien, décide de s'attaquer aux centrifugeuses iraniennes d'uranium, donc au moyen de Stuxnet, est-ce que cela peut être considéré comme un acte d'agression? Et si oui, est-ce que l'Iran peut imposer son droit de légitime défense et donc riposter via des moyens informatiques ou conventionnels? Donc, tout ça, c'est un premier problème. Et en fait, cette implication probable de plusieurs États dans la mise en œuvre d'un ver informatique m'a amené vers mon deuxième point, qui traite donc de la responsabilité relative à la cyberattaque. Donc je m'explique, sur le terrain comme sur le net, si on veut réparer une faute, il faut savoir à qui incombe la faute en fait. Donc prenons le cas du rançongiciel WannaCry, qui a impacté des milliers d'ordinateurs en exploitant une vulnérabilité de Windows. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui en dehors de l'étendue des dommages causés? On sait que la vulnérabilité qui a été exploitée, Eternal Blue, a été créée par la NSA. On sait qu'elle a été volée à la NSA par un groupe de hackers, les Shadow Brokers, dont on ne connaît pas la véritable identité. Mais par contre, on ne sait toujours pas qui l'a utilisée. Et donc dans ce cas-là, quels sont nos choix? Sur qui imputer la faute? Donc le créateur, la NSA, le diffuseur, les Shadow Brokers, ou plutôt l'utilisateur du logiciel? Donc une fois de plus, on doit traiter cet aspect du point de vue technique pour déterminer à partir de quel moment on estime que le logiciel a eu un comportement malveillant, puis aussi du point de vue juridique pour engager la responsabilité d'un tel. Dans les deux points vus précédemment, comme dans mon dernier point, on essaye toujours, toujours de concilier les enjeux juridiques avec la technicité propre au cyber. Et ceci est d'autant plus important quand on sait aujourd'hui qu'un même outil informatique peut à la fois servir dans notre quotidien, donc pour notre messagerie, sur les réseaux sociaux, mais aussi pour la conduite d'opérations militaires. Donc ça m'amène vers mon dernier point. Est-il possible de réguler l'utilisation d'une cyberarme? En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un marché qui s'est créé autour de ces vulnérabilités, qui sont vendues aux agences gouvernementales par des sociétés privées, comme par exemple le cas de la société Vupen jusqu'en 2015. Et en fait, ce marché, qui en était assez balbutiement en 2001, brasse aujourd'hui plusieurs milliards de dollars. Et donc ça pose la question de sa régulation. Donc la question qu'on se pose, c'est peut-on contrôler ce trafic de vulnérabilité sur Internet? On sait qu'une première tentative a été initiée par les États avec l'arrangement de Wassenaar, sauf qu'en fait, en voulant limiter le trafic de vulnérabilité, cet accord non contraignant a également limité les mêmes outils qui servaient à construire des solutions de sécurité informatique pour lutter contre les cyberattaques. Et une nouvelle fois, on se retrouve confronté à trouver un compromis pour encadrer légalement ces technologies qui sont utilisées par le cybercriminel sans entraver le travail du chercheur. Donc voilà en trois points ce sur quoi je travaille. Merci encore pour votre invitation et votre attention. Merci beaucoup Colline Boniface. C'est assez effectivement passionnant cette question, parce que c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Eric Fessinet. Maintenant, quel est l'encadrement légal que l'on peut avoir à partir du moment où les acteurs ont changé, à partir du moment où en plus il y a une porosité ou en tout cas une clientèle qui va du public au privé ce que vient d'évoquer Colline Boniface dans ses travaux. Alors sur le dernier point, effectivement, sur les cyberarmes, Il y a un autre usage qui n'a pas été explicitement cité, mais c'est ceux qui nous permettent potentiellement de réaliser les enquêtes judiciaires. En France, depuis 2011, donc on a la possibilité de réaliser des captations judiciaires, c'est-à-dire d'enregistrer les données qui sont frappées sur le clavier de l'ordinateur d'un suspect, qui s'affiche sur son écran, etc. C'est des techniques qui sont utilisées uniquement dans certains cas, avec l'autorisation d'un juge. Ça suppose l'utilisation des mêmes méthodes, de vulnérabilité, potentiellement, et parfois des vulnérabilités sur les systèmes des attaquants. Évidemment, ça doit être encadré, c'est ce que prévoit la législation française, et en particulier son code pénal. Il y a un autre sujet intéressant dans la thèse qui est évoqué, c'est sur la responsabilité. Pour nous, c'est un aspect intéressant. Il y a beaucoup de discussions autour de la notion de hack-back, en bon anglais, de contre-attaque. Récemment, l'année dernière, la gendarmerie a réalisé le démantèlement d'un botnet qui s'appelait Retadop et qui avait 1,3 million de machines victimes dans le monde. Avant de déclencher le démantèlement, avant de demander l'autorisation au magistrat d'appuyer sur le bouton du serveur qu'on a mis en place pour le réaliser, on a vérifié point par point l'impact qu'allait avoir notre procédure dans la désinstallation du virus sur les machines des victimes pour être sûr qu'on n'ait pas d'impact sur leur système d'exploitation. Et dans ce cas-là, c'était possible, ce ne sera pas forcément possible dans tous les cas. Donc on doit pouvoir mettre en œuvre ce genre de choses, nous, et en coopération avec les acteurs de la cybersécurité, les chercheurs, etc. Mais il faut qu'on ait non seulement une éthique, mais des vérifications techniques, scientifiques, sur l'utilisation de ces outils et de ces méthodes. Et donc, pour nous, c'est très intéressant qu'il y ait un débat juridique autour de tout ça, parce que tout n'est pas encore complètement clairement encadré. On parle de légitime défense, mais dans le détail, ça n'a pas été complètement détaillé. Jean-Yves Marion, pour conclure. Alors, pour conclure, la notion d'attaque, effectivement, c'est quelque chose. Donc, nous évidemment, on n'en fait pas, on fait juste de la recherche. Hein. Néanmoins, on avait essayé de manière un peu expérimentale de simuler un petit Internet. Je me souviens, il y avait à peu près 3000 nœuds dans un mini Internet, une espèce de mini jungle comme ça. Et on avait déployé un botnet qui, à l'époque, se répandait un tout petit peu partout. Et il y avait un défaut dans le protocole de communication entre les bots, de telle manière à ce qu'on, nous, on puisse l'utiliser pour combattre et éradiquer ce botnet. Donc le botnet, si vous voulez, c'est un réseau de machines compromises, qu'on appelle les machines zombies, ça c'est joliment dit. Et au-dessus, on avait parlé, on peut mettre le lien, puisqu'on en avait parlé une heure entière. Exactement, je reboucle, je retisse là-dessus. Et au-dessus, on a le botmaster, qui est le grand méchant, et qui contrôle ces machines zombies. Est-ce que l'attaque consistait à quoi? Finalement, à prendre contrôle de ces machines zombies, et ainsi de couper la communication avec le botmaster. Alors là, on se dit, bon, de retourner les botnets contre le botmaster, c'est possible ça? On aurait pu. Mais vous voyez, donc techniquement, c'est faisable. Maintenant, si on réfléchit un tout petit peu, dans la vraie vie, ces machines zombies, elles sont à Paris, elles sont à Nancy, mais elles sont aussi en Allemagne, elles sont en Chine, elles sont aux États-Unis. Donc on voit là la dimension que ce genre d'attaque pourrait avoir. Et puis là, surtout la dimension évidemment légale et la complexité des accords internationaux que ça peut induire. Merci beaucoup à tous les deux, une fois de plus, pour être venus nous parler de cybersécurité de façon passionnante. Merci Jean-Yves Marion, merci Éric Frayssinet, merci également à Colline Boniface pour la présentation de ses travaux. Je vous rappelle que toute la semaine à 20h, vous pouvez retrouver le À Voile Nue signé Céline Lozen avec Jean Audouze qui parle comme avec la faconde qu'on lui connaît de sa carrière et de son rapport à l'espace. Voilà, c'est tous les soirs. Et puis vous pouvez écoutez l'intégralité de cette série d'ores et déjà, puisqu'elle est disponible, les 5 épisodes sont disponibles en podcast depuis avant-hier. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Lozen, Natacha Trio, Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Noémie Naguet-Saint, Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Demain, nous évoquerons le problème des rétractations d'articles. Après que la prix Nobel de chimie a rétracté 2 de ces articles, nous essayerons de comprendre pourquoi si peu d'études non reproductibles ne le sont pas et pourquoi une recherche plus saine rime souvent avec une recherche plus rétractable. C'est les questions que nous poserons demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.